Autorité politique. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle a ses bornes. Et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en âge de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que la nature. Qu'on examine bien, et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources. Ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent, en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité l'a défait alors. C'est la loi du plus fort. Quelquefois, l'autorité qui s'établit par la violence change de nature. C'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement express de ce qu'on a soumis. Mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler. Et celui qui se l'était arrogé, devenant alors prince, cesse d'être tyran. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société, avantageux à l'État, et qui la fixent et la restreignent entre des limites. Car l'homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme. Parce qu'il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier. C'est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les communique point. Il permet, pour le bien commun et pour le maintien de la société, que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un d'eux. Mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas les droits du Créateur. Toute autre soumission est le véritable crime de l'idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image n'est qu'une cérémonie extérieure, dont le vrai Dieu, qui demande le cœur et l'esprit, ne se soucie guère, et qu'il abandonne à l'institution des hommes, pour en faire comme il leur conviendra, des marques d'un culte civil et politique ou d'un culte de religion. Ainsi, ce ne sont point ces cérémonies en elles-mêmes, mais l'esprit de leur établissement qui en rend la pratique innocente ou criminelle. Un Anglais n'a point de scrupule à servir le roi le genou en terre. Le cérémonial ne signifie que ce qu'on a voulu qu'il signifiât. Mais livrer son cœur, son esprit et sa conduite, sans aucune réserve, à la volonté et au caprice d'une pure créature, en faire l'unique et le dernier motif de ses actions, c'est assurément un crime de lèse-majesté divine au premier chef. Le prince tient de ses sujets même l'autorité qu'il a sur eux. Et cette autorité est bornée par les lois de la nature et de l'État. Les lois de la nature et de l'État sont les conditions sous lesquelles ils se sont soumis ou sont censés s'être soumis à son gouvernement. Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation et indépendamment du choix marqué dans le contrat de soumission. S'il en usait autrement, tout serait nul et les lois le relèveraient des promesses et des serments qu'il aurait pu faire comme un mineur qui aurait agi sans connaissance de cause, puisqu'il aurait prétendu disposer de ce qu'il n'avait qu'en dépôt et avec clause de substitution, de la même manière que s'il l'avait eu en toute propriété et sans aucune condition. D'ailleurs, le gouvernement, quoique héréditaire dans une famille et mis entre les mains d'un seul, n'est pas un bien particulier, mais un bien public, qui par conséquent ne peut jamais être enlevé au peuple à qui seul il appartient essentiellement et en pleine propriété. Aussi, est-ce toujours lui qui en fait le bail? Il intervient toujours dans le contrat qui en juge l'exercice. Ce n'est pas l'État qui appartient au prince, c'est le prince qui appartient à l'État. Mais il appartient au prince de gouverner dans l'État parce que l'État l'a choisi pour cela, qu'il s'est engagé envers les peuples à l'administration des affaires et que ceux-ci, de leur côté, se sont engagés à lui obéir conformément aux lois. Celui qui porte la couronne peut bien s'en décharger absolument s'il le veut, mais il ne peut la remettre sur la tête d'un autre sans le consentement de la nation qui l'a mise sur la sienne. L'observation des lois, la conservation de la liberté et l'amour de la patrie sont les sources fécondes de toutes grandes choses et de toutes belles actions. Là se trouve le bonheur des peuples et la véritable illustration des princes qui les gouvernent. Là, l'obéissance est glorieuse et le commandement auguste, c'est-à-dire digne de respect. Au contraire, la flatterie, l'intérêt particulier et l'esprit de servitude sont l'origine de tous les maux qui accablent un État et de toute lâcheté qui le déshonore. Là, les sujets sont misérables et les princes haïs. Là, le monarque ne s'est jamais entendu proclamer le bien-aimé. La soumission y est honteuse et la domination cruelle.